Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute ce journal avec un mot de la météo de ce mercredi 24 octobre. Brumes et bandes de brouillard à l'aube en Normandie et l'arrivée de nuages qui sont plus abondants sur la Seine-Maritime et l'Eure avec un vent modéré sur le littoral et de 7 à 13 degrés pour les températures de ce matin. Un temps plus lumineux cet après-midi, surtout à l'ouest, vers la Seine. Soleil et nuages et davantage de gris plus à l'est dans le Vexin et le Pays de Bray notamment avec un vent faible et des températures maximales comprises cet après-midi entre 16 et 19. 19 degrés avec 19 degrés du côté d'Évreux. Pour demain jeudi, journée sèche après une nuit brumeuse et de 7 à 15 degrés. Arrivée de pluie dans la nuit de vendredi et une journée pluvieuse avec de 6 à 13 degrés. Et pas plus de 10 degrés enfin ce week-end sous les parapluies. Le gouvernement cherche à réduire les embouteillages aux péages sur les autoroutes et limiter la pollution dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM. Les barrières des péages pourraient donc disparaître d'ici 2021 sur le réseau autoroutier français. Cette réforme devrait s'appliquer sur les autoroutes gérées par l'État et par des sociétés privées. Tous les véhicules sont concernés par cette mesure. Emprunter l'autoroute restera bien sûr payant malgré la suppression des barrières de péage. Ainsi, les automobilistes paieront avec des capteurs qui seront détectés par le péage. Leur plaque d'immatriculation pourra aussi être reconnue par des caméras. Le capteur lu par le péage prendra la forme d'une vignette à apposer sur le pare-brise, type étiquette à puce RFID ou d'un badge à présenter quand on passe le péage. Les automobilistes qui utilisent le système de télépéage connaissent déjà ce fonctionnement. Le système serait ici généralisé à l'ensemble des automobilistes et ne devrait pas nécessiter d'abonnement. Les automobilistes recevront la facture à leur domicile et devront s'acquitter du montant du péage par la suite, sans doute via un système de paiement en ligne. Mais certaines sociétés d'autoroute n'ont pas attendu la loi d'orientation des mobilités. Le groupe Sanef prévoit de supprimer toutes les barrières de péage sur la 14 et la 13 en Normandie. Les barrières de péage disparues seront remplacées par des portiques et le système calculera instantanément le montant de péage dû en fonction de la classe des véhicules. C'est ce qu'annonce le journal Paris-Normandie. Les usagers recevront ensuite la facture chez eux. D'après le groupe Sanef, un tel système permettrait aussi de réaliser d'importantes économies de carburant, de l'ordre de 10 000 mètres cubes de carburant économisé, soit la consommation annuelle de 11 000 voitures et 30 000 tonnes de CO2. La mise en service du système est prévue pour 2021. Depuis 8 mois, les gendarmes de la compagnie de Bernay, dans l'Eure, enquêtaient sur une affaire qui leur tenait à cœur. La découverte de 1,5 kg de résine de cannabis dans une voiture accidentée. Les investigations ont porté leurs fruits et conduit à l'interpellation de deux hommes et une femme. Les faits remontent notamment à la nuit du dimanche 18 février 2018. Aux alentours de minuit, une patrouille de la gendarmerie du Neubourg repérait deux véhicules suspects sur la zone artisanale de Thuy-Angers. Les militaires étaient d'autant plus attentifs que les cambriolages étaient en augmentation sur le secteur. À la vue des gendarmes, les deux conducteurs se sont empressés de prendre la fuite. L'un des véhicules, une Renault Clio, était alors pris en chasse sur les petites routes de campagne où le fuyard roulait très dangereusement, à tel point qu'à un moment, il a perdu le contrôle du véhicule qui a terminé sa course dans un champ. Les deux occupants ont pris la fuite à pied et sont disparus dans la nuit malgré les recherches lancées par les forces de l'ordre. Sur place, les gendarmes ont fouillé la voiture accidentée et ont découvert à l'intérieur trois pains de 500 grammes chacun de résine de cannabis. La drogue a été placée sous scellé pour les besoins de l'enquête. Une enquête qui va connaître rapidement un premier rebondissement. Deux heures après l'accident, la propriétaire de la Clio a déposé plainte pour signaler le vol de sa voiture. Une jeune femme de 28 ans, originaire de Seine-Maritime, a été auditionnée. Les gendarmes ont poursuivi leurs investigations avec le concours de la cellule d'identification criminelle qui a procédé à des relevés de traces et indices sur la Clio. Un travail de téléphonie a également été réalisé pour connaître la nature des éventuels appels échangés cette nuit-là autour de minuit. Tous les éléments ainsi recueillis ont été rassemblés, analysés, disséqués. Les enquêteurs sont parvenus à identifier trois suspects, deux hommes et une femme qui n'étaient autres que la propriétaire de la Clio. Ils sont originaires de Côtebec-les-Elbeuf et de Grand-Couronne. L'étau s'est donc resserré, ils ont été interpellés, déférés devant le procureur d'Évreux. Le principal mis en cause, âgé de 29 ans, s'est vu notifier son placement sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès fixé en mars prochain. Il est poursuivi pour détention et transport de stupéfiants ainsi que refus d'obtempérer. Sa compagne, propriétaire de la Clio, devra répondre devant la justice de complicité de détention et transport de stupéfiants et dénonciation calomnieuse pour avoir faussement déclaré le vol de sa voiture. Le troisième mis en cause, mineur au moment des faits, n'a pas fait l'objet de poursuite, faute d'éléments suffisants à son encontre. Et puis samedi, la cour d'assises de l'Eure a condamné l'ancien directeur du centre équestre d'Épieds à 20 ans de prison. Pascal Broutet, 55 ans, était mis en examen pour viol, agression sexuelle et atteinte sexuelle sur mineur, parfois en récidive. Il a également interdiction d'exercer une activité professionnelle en contact avec des mineurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Très belle journée sur Cristal. Cristal. Drama for babies, drama for babies.

écouter la rediff de la pause déj. La pause déj. Et c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Buckingham Palace, le prince Harry, la reine Elisabeth, tout ça, ça vous fait rêver. Bah, vous pouvez visiter Londres grâce à la pause déj cette semaine, puisqu'on vous offre un week-end pour deux, direction Londres. Vous jouez au 02 32 23 53 96. C'est une destination qui fait rêver un couple ici en Normandie. Ils habitent au Neubourg. Nous sommes avec Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Aurélie. Jean-Charles, donc tu as ta femme qui a joué hier, Mélanie, mais elle a perdu. Ah ouais, malheureusement elle a perdu. Ouais. Pour le coup, elle m'a inscrit juste derrière, elle me rappelait le lendemain, donc ça tombe bien. Et c'est vrai que pour le coup, si on pouvait remporter le voyage, ce serait plutôt pas mal. Elle est maline, hein, Mélanie. Hein. Ouais, carrément. Moi, je joue jamais perso, mais là, c'est bien pour le coup. Tant mieux, on va essayer. Tu penses faire mieux qu'elle? Je pense que ça va être pas difficile, ouais. On va essayer. Alors, elle avait fait combien de points déjà? T'es méchant. Je sais pas, mais je crois qu'elle a pas fait beaucoup. Elle a fait 2-3 points, je crois. Hein. D'accord. Bon, ça va pas être difficile, en effet, si elle a fait 2-3 points. Ah ouais, effectivement, ça va pas être difficile de la battre. Ouais. Mais si tu continues à dire des choses comme ça sur ta femme à la radio, je pense qu'elle va faire la tronche, hein, quand elle va aller à Londres avec toi. Hein. Non, mais pas de soucis. De toute façon, quand elle est au boulot, je veux dire, là, elle l'entend pas du coup. Ah, d'accord. Tu fais ça en douce, quoi. Ouais. Alors, je te souhaite vraiment bonne chance, hein, Jean-Charles. On part pour une minute de questions. T'essayes déjà de faire mieux que ta femme, mais t'essayes surtout de faire le meilleur score pour aujourd'hui dans cette pause déj. On y va. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? Lady Gaga. Que signifie le D dans le sigle 3D? 3D définition. Qu'est-ce qui peut être de chambre ou de mariée? Robe. Quel est le prénom de l'acteur dont le nom est blanc? Michel. Comment s'appelle l'anneau sur lequel on regroupe généralement des clés? Un anneau à trousseau. Quel cycliste a été 56 fois championne de France? Une artiste championne de France 56 cycliste, fois? Cycliste, 56 fois championne de France. Je passe, ouais. Quel héros de bande dessinée tire plus vite que son ombre? Lucky Luke. On parle beaucoup de la PMA en ce moment dans les médias, mais que signifie le sigle PMA? Procréation médicalement assistée. Donne-moi 3 ans près l'âge du chanteur rouennais Kinvé. Son âge? 30 ans. Bon, le gong a retenti depuis un bon moment. Tu as dit 30 ans, de toute façon il avait 35 ans. Ah, 35, ok. Alors, ça m'a l'air pas mal du tout. Tu m'as dit en antenne, bon, je vise les 10 bonnes réponses consécutives, bien sûr, pour pouvoir me faire plaisir si je gagne le voyage à Londres. Ouais. 500 euros dans la poche, là, il y a moyen de faire du shopping et des restos. Hein. Sérieux? Alors non. Ah, non, okay. Mais non, puisque si tu t'es rendu compte, tu as passé une question. Ouais, je sais, ouais, pour la cycliste, là, et en l'occurrence, c'est que j'ai pas trop suivi le Tour de France, encore moins le Tour de France féminin, alors du coup. Alors, elle a été 56 fois championne de France, c'est incroyable. Elle s'appelle Jeannie Longo et c'est une cycliste. Ah ouais, Jeannie Longo, vas-y, en plus je connais son nom, son prénom, là, non, et de vrai que mais... Ouais, effectivement, j'ai entendu parler d'elle à ma entreprise, en fait. Que signifie le D dans le sigle 3D? Tu as dit définition. Oui. Ouais. C'était dimension. Dimension. 3 dimensions. Alors ça te fait déjà 3 erreurs avec l'âge de Kinvé. Mais tu as déjà fait mieux que ta femme, Mélanie, hier, qui est passée à l'antenne. Je crois qu'elle avait fait 3 bonnes réponses, si je me souviens bien. Ouais, c'est déjà ça, mais c'est pas encore pour ça, je sais pas. C'est... Je vais te laisser patienter 3 minutes. Tu vas pouvoir réfléchir, tu vas pouvoir aussi déstresser un petit peu. On va écouter Z avec Happy Now et puis on voit tes réponses juste après ça. Tout de suite, Jean-Charles. Ok, merci, Aurélie. So deep. pause déj sur Cristal. Vous jouez aujourd'hui pour remporter un voyage à Londres. Enfin, un voyage, un week-end à Londres. 2 jours pour 2 personnes. Nous sommes avec Jean-Charles Dunebourg. Ah oui. Pour la petite histoire, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, ta femme a joué hier, est inscrite à la pause déj. Tu tentes de faire déjà un meilleur score qu'elle dans un premier temps, puisque c'est bien d'avoir quand même un petit peu de compétition dans son couple. Non, elle avait fait 2 bonnes réponses. Tu tentes surtout de gagner ce beau week-end du côté de Londres. Tira avec ta femme, hein, du coup, je suppose. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, Jean-Charles, quel artiste fallait-il reconnaître dans l'extrait? En effet, il fallait reconnaître Lady Gaga. Qu'est-ce qui peut être de chambre ou de mariée? C'était en effet la robe. Le prénom de l'acteur dont le nom est Blanc, c'était bien Michel Blanc. Comment s'appelle l'anneau sur lequel on regroupe généralement les clés? C'est le trousseau. Le héros de bande dessinée qui tire plus vite que son ombre, c'est Lucky Luke. Bonne réponse aussi. On parle beaucoup de la PMA en ce moment. Mais que signifie le sigle PMA? Tu as dit procréation médicalement assistée. Et c'est une bonne réponse, Jean-Charles. Tu as fait 6 points. 6 points, c'est fou. 3 fois le score de ta femme. Ouais, c'est bien, c'est pas mal, c'est mieux. Mais c'est pas le but final, mais bon, c'est déjà ça. Alors, on n'est pas sur le plus grand score qu'on ait connu dans la pause déj. C'est clair, on est plutôt sur une moyenne. 6 points, facile ou pas à battre, je ne peux pas te dire. C'est aux autres candidats d'essayer de te battre aujourd'hui. Il reste 2 places pour jouer à la pause déj. 02 32 23 53 96. 7 bonnes réponses à faire pour battre Jean-Charles Dunebourg aujourd'hui. Croise les doigts. Ouais. D'accord. Je te souhaite une belle journée. Merci, de même. Et peut-être à tout à l'heure si tu n'es pas battu. Ok, merci. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal.

écoutez la rediff de la pause déj. La pause déj. Et c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. La pause déj peut vous rapporter cette semaine un week-end à Londres pour deux personnes. Vous jouez au 02 32 23 53 96. Il reste encore une petite place. Vous avez peut-être la chance de vous faire tirer au sort aujourd'hui. Il faut battre Jean-Charles Dunebourg. Il a fait 6 points. Nous restons dans l'heure avec Camille qui habite à Louviers. Bonjour Camille. Salut Aurélie, salut Cristal. Salut Camille, en tout cas, tu as un super beau métier, tu organises des mariages. Eh oui, ça fait rêver. Après, c'est pas tous les jours le rêve, mais ça fait rêver et c'est super chouette. C'est un métier qui est super chouette, j'avoue. J'imagine que c'est énormément de pression puisque ça doit être l'un des plus beaux jours dans la vie d'un couple. Exactement, on est censé engranger le stress des autres et faire comme si de rien n'était et comme si tout allait bien, mais tout ne va pas toujours bien, mais on fait comme si. Et puis en général, ça se passe toujours très bien. Question un peu lambda, ça a été une vocation de faire ça pour toi, Camille ? Alors, clairement, j'ai grandi avec tous ces films de wedding planner américains qui vendent du rêve. Donc oui, on se dit que ça doit être super. Après, clairement, ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est vraiment moins fun, mais non, c'est vraiment super. Donc oui, tout ça, ça aide forcément à se projeter, à se dire « ça serait cool comme métier quand même ». Et alors, ça donne envie de se marier ou pas ? Clairement, oui. D'ailleurs, j'espère que mon conjoint m'entend. Hein. Ah, il y a un petit message là-dedans. Ouais, un petit message au passage. Mais oui, forcément, ça donne envie. Mais voilà, pour l'instant, je préfère me consacrer au bonheur des autres et on verra plus tard pour le mien. C'est très, très beau. Autre question aussi sur ton métier, puisque c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui est wedding planner. Du coup, si tu te maries, c'est toi qui organises ton propre mariage ? Oui, clairement, je pense que j'aurais beaucoup de mal à déléguer. Je fais confiance aussi à mes autres collaboratrices, mais j'aurais beaucoup de mal à déléguer, donc j'aurais envie de tout gérer de A à Z pour faire un joli truc quand même. Donc toi, t'exerces en Normandie, surtout du côté de Louviers. Est-ce qu'il y a, par exemple, un endroit qui est vraiment magnifique en Normandie que tu conseilles pour se marier ? En Normandie, on a la chance d'avoir des très beaux châteaux, des fonds à Loire très sympas. Donc oui, forcément, il y a de très très beaux endroits. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'étrangers qui viennent se marier en Normandie. Je ne savais pas. Ouais, beaucoup, parce que forcément, c'est très joli, il faut avouer. Donc oui, il y a de très beaux endroits. Et après, voilà, justement, je suis là pour guider mes clients et les amener vers des endroits un peu sympas, voire atypiques pour certains, puisque la demande diffère en fonction de chacun des clients. Bon Camille, c'est moi qui vais essayer de t'envoyer dans un endroit un petit peu sympa aujourd'hui puisque je vais peut-être t'offrir un week-end à Londres pour deux personnes. Peut-être ce week-end-là, ton chéri va te demander en mariage, qui sait ? Faut pas abuser, mais clairement je pense pas, mais bon déjà, ce sera super. Si on a la chance de partir à Londres, ce serait vraiment Alors, super. Il faut que tu battes Jean-Charles Dunebourg, il a fait 6 points, toi d'en faire 7 minimum, es-tu prête ? Allez, on y va. On y va, 3, 2, 1... Quel duo reconnais-tu dans cet extrait ? Est-ce que tu viens pour les vacances ? La vie des Jonathan. Donne-moi 3 ans près l'âge de Yannick Noah. 52. Quelle foire se tient en ce moment à Rouen ? La foire Saint-Romain. Sur quoi les sprinteurs posent-ils les pieds avant le départ ? Starting block. Elle peut être Margot, Elisabeth ou de cœur. De quoi s'agit-il ? La reine. Si l'on en croit l'une de ses chansons, il lui a donné quoi, Dieu, à Ophélie Winter ? La foi. Comment appelle-t-on un vélo à trois roues ? Un tricycle. Dans quel département normand se trouve la commune de Duclair ? Seine-Maritime. Si ce n'est pas une boisson, qu'est-ce qu'un diabolo ? Un jeu de cirque. Dans quel sport s'illustre l'anglais Harry Kane ? Le football. Combien de centilitres dans la moitié de 5 litres d'eau ? 250. Waouh ! Ça sent bon, Camille. T'étais hyper stressée, j'avoue. T'étais hyper stressée, oui. Ça s'entendait, mais t'étais hyper concentrée. Tu as répondu très vite. Je t'ai posé 11 questions aujourd'hui. Tu vas peut-être avoir la chance de remporter 500 euros. Puisque tu n'as pas passé une seule des questions. Tu as vraiment répondu à toutes les questions. Oui. Alors, une petite hésitation avec la foire qui se tient en ce moment à Rouen. C'est bien la foire Saint-Romain, la deuxième plus grande fête foraine de France. Sur quoi les sprinteurs posent-ils les pieds avant le départ ? On parle bien des starting blocks. Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait une question ou tu as un doute au niveau de ta réponse ? Oui, clairement, le sportif anglais, je ne sais pas du tout. Harry Kane ? Il s'illustre, tu as fait 10 bonnes réponses aujourd'hui. Si surtout elles sont consécutives, ce sera juste après Mike Posner avec I Took a Pill in Ibiza. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. On écoutera David Guetta, ce sera juste après un petit point sur l'actualité. Vous êtes dans la pause déj. Nous sommes avec Camille, notre organisatrice de mariage. C'est mieux de dire wedding planner. Camille habite à Louviers. Tu tentes de battre le score de Jean-Charles Dunebourg. Il avait fait 6 points. Je pense que tu l'as pulvérisé. Si vous avez entendu, Camille, tu as cartonné aujourd'hui. Super, j'espère. J'attends avec impatience. Bon, est-ce que tu penses avoir les 10 bonnes réponses consécutives aujourd'hui? Clairement, je pense pas avoir les 10 consécutives. Alors, combien de centilitres dans la moitié de 5 litres d'eau? On dit bien 250 centilitres. La moitié de 5 litres, c'est 2 litres et demi. Et 2 litres et demi, c'est égal à 250 centilitres. Alors, ça te fait déjà une autre bonne réponse. Si ce n'est pas une boisson, qu'est-ce qu'un diabolo? Bah, c'est un jeu, en effet, un jeu de jonglage. Duclair, la commune de Duclair se trouve en Seine-Maritime, dans le 76. Bonne réponse. Un vélo à trois roues, c'est un tricycle, en effet. Si l'on en croit l'une de ses chansons, il lui a donné quoi, Dieu à Ophélie Winter? Ce qui te fait une autre bonne réponse. Elle peut être Margot, Elisabeth ou De Cœur, de quoi s'agit-il? On l'entend plus, là, Camille. Je suis concentrée. Je suis très attentive, Aurélie. C'est bien la reine Margot, la reine Elisabeth, la reine de cœur. Quel duo reconnais-tu dans cet extrait? Il n'était pas évident, hein. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas... David et Jonathan. À l'ancienne. À l'ancienne, mais tu l'as eu aussi.

écouter la rediff de la pause déj. La pause déj. Et c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Et remporter un week-end à Londres pour deux personnes. 02 32 23 53 96 pour vous inscrire. Nous sommes avec Christelle du côté de Falaise. Bonjour Christelle. Oula, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Rémi. On dirait que t'es dehors et qu'il y a énormément de vent. Parce que je suis dehors. Attends, je vais rentrer, ça va être mieux. Alors Christelle, tu es avec ton mari en ce moment, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, tu vas le faire jouer avec toi? Non, du tout, je préfère pas. Ah bon? Bah pourquoi? Bah parce que je préfère me concentrer toute seule et puis pas attendre des réponses. Non, je vais être toute seule. D'accord, ok. Voilà. Moi, je préfère rester toute seule, c'est ce que disait Laurie dans l'une de ses chansons. Bon, eh ben, tu vois, voilà. Il va vraiment falloir que tu sois concentrée puisque Camille Delouvier a fait un score énorme. Aujourd'hui, elle fait 10 bonnes réponses. D'accord. Ah oui, en fait, Camille a battu le premier candidat. Je pense que moi, j'étais restée exactement sur le premier candidat. C'était Jean-Charles, je crois. Elle a battu Jean-Charles. D'accord. Jean-Charles doit être très triste en ce moment. D'ailleurs, on lui fait un gros bisou. Donc, Camille, à battre, il faut que tu fasses 11 bonnes réponses. Tu peux tenter les 10 bonnes réponses consécutives pour gagner 500 euros et ce week-end à Londres. C'est bon pour toi, Christelle? C'est bon, on y va. C'est parti. Allez, on souffle un tout petit coup. Même moi, je le fais là, c'est trop de suspense. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? Je passe. Donne-moi à 3 ans près l'âge de Gérard Jugnot. 63 ans. Quelle est la couleur de la coquille d'œuf sur la tête de Calimero? Noir. Quel est le prénom de l'humoriste dont le nom est Tagbo? Je passe. Qui présente l'émission Les Carnets de Julie sur France 3? Julie. À quelle famille d'instruments appartient le violon? Je passe. À quel condiment fait-on référence pour désigner une chevelure brune et blanche? La brumoise, je dirais. Selon l'expression, qu'est-ce qu'on se tourne quand on s'ennuie? Je passe. Elle peut être sportive, routière ou enduro, de quoi s'agit-il? Moto. Qu'est-ce qu'un paix de nonne? Je passe. 210 divisé par 7 égale? Je sais pas. C'est ce qu'on appelle laisser tomber en cours de questionnaire. Exactement. Alors le paix de nonne, ça t'a fait rire, hein? Ah ouais, non, mais alors ça, je crois que tu vas m'apprendre quelque chose. J'ai appris quelque chose aussi d'ailleurs. Ah, bon, bah tu vois. Qui oserait goûter au paix de nonne? Ah, puisque c'est une pâtisserie, c'est un beignet à base de pâte à choux sucrée. Ah ouais, ah bah moi qui suis gourmande, tu vois, mais non, ça je savais pas. Bon, tu iras acheter un petit paix de nonne, je pense que t'es en pâtisserie, tu penseras à moi. Alors, ouais, qu'est-ce que t'es maline, toi, Christelle? Comme si je posais souvent des questions pièges. Qui présente l'émission Les Carnets de Julie sur France 3? Alors, t'as répondu Julie. En effet, elle s'appelle Julie, l'animatrice, mais j'attendais son nom en même temps. Ah ouais, bon, bah, je me doutais, ouais. C'est... Voilà. Je vois qui c'est, mais son nom de famille, c'est Julie, non, je sais pas. Julie Andrieux. Ah ouais, ah oui, Andrieux, pourtant, c'est quelle... Ouais. Bon, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Alors Christelle, je pense très clairement que tu aurais dû prendre ton mari avec toi pour le questionnaire d'aujourd'hui. Je pense qu'il aurait pu t'aider à avoir quelques autres bonnes réponses. On va regarder, on va faire la correction ensemble juste après The Blaze. Voici She sur Christelle. À tout de suite, Christelle. À tout de suite. Thank you. C'est ce que j'appelle une musique de tunnel, c'est-à-dire que ça me donne envie de conduire la nuit avec toutes les lumières de la ville. Ça me repose, ça me fait du bien. Alors, nous sommes avec Christelle, du côté de Falaise. Oui. Alors Christelle, il fallait faire 11 bonnes réponses au moins aujourd'hui pour remporter la pause déj. J'en suis loin. Je pense, il y a eu beaucoup de je passe. Ouais, bah oui. Je crois que tu as fait le record des je passe de la pause déj d'ailleurs. Ah oui, au moins, tu as un record aujourd'hui. Alors Christelle, dans l'extrait, il fallait reconnaître Maroon 5. Je te demandais, à 3 ans près, l'âge de Gérard Jugnot. Oui. Tu as dit 63 ans, Gérard Jugnot, il a 67 ans. Ça rentre pas, du coup. Ça rentre pas. À un an près. Dommage. Bon. La coquille d'œuf sur la tête de Calimero, elle est de quelle couleur ? Elle est blanche. Mais oui ! Et puis même dans ces cas-là, tu dis n'importe quelle couleur, on sait jamais. Parfois, ça peut passer, même si tu le sais pas. Elle et était oui, blanche non, et non blanche. Pas noire. Oui, j'ai confondu, j'ai inversé Calimero et la coquille. Le prénom, oui. Le prénom de l'humoriste dont le nom est Tagbo, c'était Claudia Tagbo. Ah oui, exact. À quelle famille d'instruments appartient le violon ? C'est les cordes, tout simplement. D'accord, bon. Alors là, j'ai pas compris, tu m'as fait un camoulox. Alors, à quel condiment fait-on référence pour désigner une chevelure brune et blanche ? Ah oui, je sais pas, c'est une brumoise. Tu m'as dit une brumoise, mais ça c'est en cuisine, ouais. Ça c'est quand on découpe des légumes en petits morceaux. Non, c'était poivre et sel. Ah oui, d'accord, en effet, ça. Bon, oui. Et quand on s'ennuie, on dit qu'on se tourne les pouces. Oui, c'est vrai. Je m'ennuie jamais, c'est pour ça. C'est pour ça, bah voilà, ta réponse à tout. C'est pour... Alors, sauf à la pause déj. Ah si, à cette question-là. Elle peut être sportive, routière ou enduro, de quoi s'agit-il ? C'était bien la moto. Bon, Christelle, ben voilà. Une bonne réponse. Heureusement qu'il y a eu cette question, puisque tu as fait une bonne réponse aujourd'hui. Bon, bah, félicitations à Coralie. Alors, c'est Camille de Louviers. Bravo, Camille. Merci beaucoup. Je suis super contente. Camille, tu remportes un week-end à Londres avec la personne de ton choix par Brittany Ferries. Super, je suis vraiment, vraiment contente. Et ça va nous permettre de prendre un bol d'air britannique. C'est cool. Et ben, c'est cool pour toi. J'espère que ton chéri va te demander en mariage. Si c'est pas gagné, mais bon. Si c'est le cas, on ne sait jamais, tout peut arriver. Tu nous tiens au courant, bien sûr. Hein. Sans problème. Ce serait énorme. Merci Camille d'avoir joué avec nous. Mais je vous en prie, et puis s'il y a des futurs mariés qui nous écoutent, n'hésite pas à me contacter. Je suis l'agence Camélia, donc avec grand plaisir. Et ben voilà. En effet, profite-en pour faire ta pub, il n'y a pas de souci. Bien sûr, merci Christelle, beaucoup. Je te fais des gros bisous. Moi aussi, à bientôt. Merci d'avoir été aussi fair play aujourd'hui dans la pause déj. À bientôt. À bientôt. Demain, ce sont vos enfants qui prennent le contrôle de la pause déj comme tous les mercredis. Ils vont pouvoir emporter le jeu vidéo de leur choix sur la console de leur choix. Je pense qu'ils ont déjà quelques idées en tête. Vous nous appelez au 02 32 23 53 96 pour les inscrire. Il faut qu'ils aient entre 8 et 14 ans. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Cristal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Bonjour la Normandie, bonjour les amis, ça caille encore hein, ce matin, c'est vrai, c'est normal, on est en automne, ça y est, ça commence à se ressentir un peu. Bon courage si vous êtes en galère ce matin avec la petite raclette pour pare-brise, bah oui, faut faire chauffer la voiture avant de prendre la route maintenant. Un réflexe qu'on avait un petit peu perdu hein, ces derniers temps. On est mercredi déjà le 24 octobre, certains d'entre vous sont en vacances, d'autres déjà au travail, la plupart sous la couette encore peut-être, où que vous soyez, en Normandie ou ailleurs en vacances, on vous aide à bien démarrer la journée sur Cristal. Alors le mercredi, c'est le jour des sorties ciné, bien sûr. J'aurai des places à vous faire gagner ce matin. Je vous donnerai aussi un nouvel indice pour trouver l'enveloppe des 400 euros. Et puis comme tous les jours, on va parler info conso, artistes et actu dès 6h avec votre info locale. Voilà, installez-vous bien. Prudence sur les routes, hein, ça a pu geler à quelques endroits, alors roulez tranquille. ZD Pink vous accompagne à 5h30 sur Cristal. Très bon réveil, on est en direct avec vous pour ces vacances. Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour.

to be worth it. On est en direct avec vous sur Cristal. J'espère que ça va ce matin, que vous êtes en forme et déjà d'attaque pour cette journée. Tout le monde n'est pas en vacances. Et non, malheureusement, bon courage si vous bossez déjà. Je sais que vous êtes nombreux à vous lever tôt. Voilà, on ressent un petit peu moins de fraîcheur qu'hier, c'est déjà bien. C'est déjà plus doux pour ce matin. Faut quand même le manteau, mais ça va. En même temps, c'est l'automne, vous allez me dire, les températures sont plutôt logiques. Il est bientôt 6h, on va retrouver l'actu, la météo. Mais d'abord, c'est votre horoscope du jour avec Alexandra. Bonjour Alex. Bonjour à tous, nous sommes mercredi, l'horoscope ce 24 octobre. Les béliers, la liberté a du bon, à la condition de respecter aussi celle de l'autre. Vous détesterez rendre des comptes. Pour un copain en détresse, les taureaux, il y aura toujours une assiette. Vous aurez le cœur sur la main. Gémeaux, votre franchise vous fera dire des choses que vous regretterez sûrement et d'autres non. Voilà, va falloir assumer. Cancer, les astres seront avec vous, ce qui présagera des relations harmonieuses. Vous êtes optimiste, les lions. Vous savez que le meilleur est devant vous. Vierge, un peu trop seule en ce moment, vous rechercherez la chaleur d'un nid bien douillé afin de vous préparer à un hiver long et froid. Balance, votre cœur sera tendre et vibrera de bonheur. Vous serez plein d'attention. Les scorpions, les amis se font discrets aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à cela. Un peu de calme vous fera le plus grand bien. Sagittaire, si vous commenciez à redouter l'arrivée de la routine à la maison, cette journée apportera des changements des plus rafraîchissants. Capricorne, il ne faudra pas hésiter à vous mettre en avant tout en prenant soin de ne froisser personne. Verseau, tel un brasier ou un feu de cheminée, la flamme